sports. It's in the game. Salut à tous et bienvenue pour cette émission Retro Gaming. On va une nouvelle fois parler d'un jeu vidéo de football. On avait fait la série PES et ISS International Superstar Soccer avec Nico. Comment tu vas Nico ? Ça va parfaitement bien, salut à tous. Et donc voilà, on va parler de la série des FIFA International Soccer, le tout premier nom un peu officiel, on va dire. Du premier du nom pour le FIFA 80... Ouais, il est sorti en 93, moi en 94 j'étais encore en primaire, mais... Et tu l'as eu dès sa sortie ou t'as pu l'avoir un peu plus non. tard? Alors non, moi, si tu veux, c'est sur PC, j'ai eu la Mega Drive, figure-toi, j'ai eu en 97 en fait la Mega Drive. Je l'ai eu beaucoup, vraiment beaucoup plus tard. En 94, j'avais la Master System. Il a existé sur Master System, mais qu'au Brésil, en fait, FIFA International Soccer. Non, moi, c'était... je crois que je l'ai eu quelque chose comme un mois après sa sortie. Mais on va dire que c'était un jeu de football révolutionnaire parce qu'on n'avait jamais vraiment vu ça. Nous, on sortait de Sensible Soccer sur Atari Amiga, on sortait de Kickoff... Enfin, ce football-là avec les chants de supporters qui était bon déjà dans Kickoff, hein, y a... ouais. Mais le gameplay qui était un peu plus pensé réaliste par rapport à ce qu'on voyait toujours, des petits points de dessus qui se déplaçaient à 100 à l'heure. Quoi. Ouais. Ben, ça changeait parce que là on passait à une 2D isométrique et franchement cette vue-là, c'était révolutionnaire. Hein. Là c'était voilà, il y avait que les équipes internationales et à partir du 95 on retrouvait les clubs en fait. Pour l'époque on trouvait ça beau. Maintenant c'est sûr que le gamin qui va vouloir y jouer va trouver ça ridicule parce que il y a pas du tout de ressemblance et trucs comme ça. Mais pour l'époque ce jeu-là, moi il m'avait fait rêver aussi quoi. Tu vois c'était comme l'ISS 98. FIFA International Soccer, je bavais devant quoi en fait et j'ai pu l'avoir 2 ans après, mais je trouvais ce jeu super beau quoi. Ouais, il y avait comme tu dis quelques équipes nationales, il y en avait pas énormément. Je me souviens qu'il y avait justement cette fameuse équipe de Bulgarie, mais il y avait que des faux noms à chaque fois pour les équipes. Alors pour ceux qui s'en souviennent, au Brésil, t'avais Gianco Tiano, t'avais Rico Salamar. Pour l'Angleterre, si je dis pas de bêtises, il y avait Brian Plank. Alors je pense que celui-là il remplaçait David Platt par exemple, tu vois, il y avait mais bon, je suis pas sûr que tout le temps il y avait vraiment une connotation pour faire un nom semblable à un vrai joueur. Mais voilà, il y avait des noms, il y a des noms que tu te souviens encore. Enfin moi je me souviens encore de pas mal de noms du jeu, c'était assez marrant quand même quoi. Et c'est, comment dire, je me souviens de, moi, la GameCon qu'il y avait à l'époque à Paris. Alors, est-ce que c'était à Versailles? Je sais plus, je pense que c'était déjà à Versailles. Le salon du jeu vidéo, ils appelaient ça. Et on avait en avant-première ce FIFA-là qui était disponible à la jouabilité. Et il était annoncé également sur d'autres supports. C'était un jeu qui était multi-support, mais avec des versions différentes. T'avais une version Game Boy, une version Game Gear. Oui, plus tard, t'as une version Mega CD aussi, quand le Mega CD est sorti, avec justement des... Alors, c'était exactement... Bah, c'était exactement le même jeu, si tu veux, de tout premier FIFA, c'était le même jeu sur Mega CD, mais avec des champs de supporters améliorés et Bah, des... ce FIFA International Soccer me fait penser un petit peu à FIFA 96, en fait, Ouais. qui est sorti plus tard sur la Saturn. Il était sorti sur la Saturn et sur PlayStation, et ce jeu-là me faisait penser un petit peu à lui, et pourtant il a 2 ans, 2 ans auparavant, quoi, en fait. J'ai joué à ce jeu-là, bon, récemment, hein, à FIFA International Soccer. Alors, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas la même version, mais sur 3DO. Ouais. Donc, c'est une console qui a pas marché du tout, hein. C'était Panasonic Obsolète. qui avait fait cette console-là, mais sur 3DO, il est en plus d'être en 3D, voilà, enfin, il est jouable, mais jouable parce qu'on là, on va en parler après tout à l'heure de la jouabilité. Pour moi, la version 3DO est peut-être la meilleure de toutes les consoles, quoi, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça commençait par une espèce de 3D qui te permettait de voir ce qui allait être fait sur la PS1 en Voilà. 96 avec les premiers FIFA comment dire qui sont arrivés sur PlayStation qui changeaient un peu la donne par rapport à ce qu'on avait vu en 2D isométrique. C'est vrai que là t'avais encore des ordinateurs comme l'Amiga, le PC, l'Atari ST qui permettaient encore de jouer à ce jeu-là. Et il n'y avait pas une énorme différence en fait. Et c'est limite la version PC qui tournait sur un bon PC, bah c'était légèrement mieux que la Bah, version Mega Drive des la, fois. bah en fait la version PC, en fait, c'est exactement la même que la version Mega Drive, sauf que les panneaux publicitaires, c'est marqué Panasonic dessus, sur certains, Ouais. et c'est un peu plus coloré, quoi. C'est les graphismes sont légèrement meilleurs, Ouais. mais c'est plus fluide, quoi, tu vois, que sur c'est un peu moins bouilli de pixels. Enfin, c'est pas bouilli de pixels, mais c'est un peu moins pixelisé sur PC, quoi. Et ça le rend un peu plus joli aussi, quoi. Ouais, ça c'est pas étonnant vu que je pense qu'il y avait une résolution supérieure déjà Bien sur sûr. PC, alors que t'avais déjà des bandes noires à te coltiner sur Mega Drive qui accélérait le jeu. Il y avait c'est vrai qu'en parlant de la jouabilité, il y avait des bons côtés fun où tu pouvais sprinter à fond et marquer arriver devant les buts assez vite sans faire beaucoup de passes. Et par contre, il y avait un autre problème, c'est que voilà, quand tu voulais marquer des buts assez faciles, bah souvent le gardien arrêtait le Ah ballon. oui, tout le temps. Tout Les le temps. défauts, ouais. T'étais devant, tu pouvais foutre une craquée dans le ballon, le gardien, il l'arrêtait. Et là, c'était pas détourné, hein, c'était toujours arrêté, quoi. Tout le temps arrêté, ouais. Et on faisait assez rapidement le tour en fait de ce jeu. Il n'y avait pas énormément de variantes. T'avais cette présentation américaine déjà du jeu avec un peu comme dans les NFL. Tu voyais le stade en fond d'écran avec un commentateur. C'est ça, Ron Brown. Ouais, tu t'en souviens? Ouais, Ron Brown, je crois qu'il s'appelle le commentateur, ouais. Le commentateur qui a annoncé la composition et puis la météo, etc. De façon factice, comme si c'était un match officiel. C'était pas mal. C'était pas mal, et tu pouvais aussi choisir, donc, dans les options, le terrain. Tu pouvais avoir pelouse naturelle et synthétique, et là, ça te Oui. faisait presque penser à la Coupe du Monde 94. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un jeu qui est sorti, on va dire, Avant, quoi, bah, avant, pendant la période 93-94, quoi. ouais. Et il y avait donc cette version Mega Drive qui était sortie bien avant la version de Super Nintendo, qui arrivait un peu plus tard. Alors, je sais plus à quel moment elle arrivait, mais je me souviens qu'elle était arrivée quelque chose comme le mois d'avril ou le mois de mai, juste avant la Coupe du Monde 94. Je me souviens de D'accord. ça. Pour nous Européens, après peut-être que dans d'autres pays, ça arrivait un peu plus tôt, mais on attendait justement cette version Super NES pour voir la différence qu'il y avait. Et en effet, par rapport à la version Mega Drive, bah t'avais des graphismes un peu plus soignés, une image un peu plus étirée et moins écrasée pour les joueurs. Il y avait des chants de supporters déjà plus audibles. En même temps, tu me diras, c'est pas étonnant vu que la Super NES avait comment dire, une carte sonore un peu plus poussée Ouais, que la Mega voilà. Ouais. Drive. Et c'était des chants de supporters anglais, en fait, parce que Oui. bah après un peu plus tard, bon, tu sais, j'écoutais ces chants-là, ça me faisait, je disais, ouais, c'est super joli. Et plus tard, je me souviens la saison 96-97, justement, où Lyon avait rencontré, pardon, en Coupe UEFA Nottingham Forest. Ouais. Et justement, les supporters de Nottingham Forest chantaient presque les mêmes chansons que dans FIFA 94. Ouais. Et moi, comme un con, quand j'étais gamin, je me disais, ouais, mais les gars, ils doivent jouer à FIFA 94 pour pouvoir chanter les mêmes chants, quoi. Et en fait, c'est que ça a été pris dans différents stades anglais, mais c'était, pour l'époque, c'était très bien, c'était bien fait, quoi. C'était, ça te mettait vraiment dans l'immersion, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Après, t'avais malheureusement peut-être 3-4 chants vraiment différents. Le reste, oui, voilà, c'était pas beaucoup, hein. C'était de, comment dire, un sèche-cheveux continu, comme ça. Voilà, c'est ça. pour le public. Mais on pouvait reconnaître un ou deux chants, en effet, de, je crois qu'il y avait un chant de Liverpool, pas le Walk Alone, mais un autre. Mm. Et t'avais un chant, voilà, d'un chant générique pour l'Angleterre, mais, il y avait des petites trompettes aussi. Alors, est-ce que c'est dans ce premier FIFA ou dans le 95 un peu plus tard qu'ils avaient commencé à mettre les trompettes quand tu marquais un but là. Tu pouvais appuyer sur la manette comme un dératé. Alors non, c'est à partir, si je dis pas de bêtises. Alors, je suis pas sûr que le 96 tu peux le faire, mais à partir de 97. Ouais. Non, 95, FIFA international. Hein. Non, 95, mais tu pouvais le faire. Ouais, dans 95 tu pouvais le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Surtout sur les consoles 16 bits. Après, sur PS1, je pense qu'ils ont dû enlever ça avec le temps, parce que... FIFA 98, tu pouvais. Tu pouvais encore? Ouais, tu pouvais FIFA 98, mais c'est le seul, parce que 97, j'ai pas souvenir que tu pouvais le faire, et 98 sur la PS1, tu pouvais. Ça j'en suis sûr. Ouais. Parce que c'est un des jeux, bon, on en parlera tout à l'heure, c'est celui que je joue encore le plus, donc... D'accord. Ouais, ouais, c'est tout frais, mais les souvenirs, ouais. Donc voilà pour ce tout premier FIFA, et c'est vrai que il s'est hyper bien vendu d'ailleurs pour la Coupe du Monde 94. À l'intérieur, pour ceux qui avaient acheté le jeu neuf à l'époque, t'avais un poster avec le groupe et les tours en fait pour la Coupe du Monde 94, les équipes qualifiées. Ouais. Moi j'avais eu ça, c'était sur Super Nintendo, je me souviens. EA Sport donnait, un peu comme quand ils donnaient, tu sais, le programme de la NFL et le programme de la NHL dans leur jeu. Dans le boîtier qui était énorme. C'était génial, ça. Ouais, ouais. Ils faisaient des boîtiers énormes, des modes d'emploi énormes avec des cadeaux toujours, Electronic Arts. Et ils te filaient la saison de NFL, de NHL. Et t'avais aussi dans FIFA un poster dépliant que j'ai encore, là, d'ailleurs. Il est quelque part. Ouais. Et que j'avais mis en grand, en fait, au-dessus de mon bureau. Et je notais les quarts de finale, les demi-finales, et les scores des groupes aussi pour la Coupe du Monde 94. Et par contre, sur le grand poster, c'était David Platt et, Oui, c'était David Platt et Piotr Zierski, l'ancien joueur de Bastia et de l'OM. Ouais, c'était la première affiche de... Et c'est l'Angleterre qui n'était pas qualifiée d'ailleurs pour la Coupe du Monde 94. Et la Pologne non plus. Voilà, c'était assez comique. Par contre, pour l'autre, t'avais pas, pour les versions US, peut-être même, je pense, version hollandaise, hein, t'avais Paki Bonheur, c'est un ancien gardien de but du Celtic, c'est un écossais, avec Ruud Gullit, en fait. Et avec le maillot de 88, Ruud Gullit. Oui, je me souviens de ce maillot orange avec les triangles. 90, non, c'est 88, hein, je crois, ce maillot. Je m'en rappelle plus. Enfin, ça va être pour ça devait être pour la qualification de la Coupe du Monde 90, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et ouais, c'est un jeu qui a super bien marché, hein, ouais. Parce que il a un peu développé l'engouement. Déjà, Electronic Arts, c'était une société qui se renouvelait, parce que je me souviens qu'en 92 et 91, ils étaient très axés sur la NFL, surtout aux États-Unis. Et quand ils sont arrivés en Europe, ils ont commencé à s'adapter à d'autres sports. C'est ça. Et finalement, on s'est retrouvé avec tous les ans 4 jeux achetés chez Electronic Arts sur pour les fans de foot, de basket, de NHL et de NFL. Il y a eu le golf aussi après, qui est arrivé. Et sincèrement, c'était dans les meilleurs jeux de sport à l'époque qu'on pouvait faire sur des 16 bits. Hein. C'était. C'est ça. Est-ce qu'il y avait des reprises de volée, des choses comme ça? Reprise de volée, non. Le ballon, il arrivait, c'était c'était une sorte de demi-volée qu'il faisait. Hein. Tu pouvais faire des reprises acrobatiques, par contre, mais franchement, c'est assez rare de marquer sur bicyclette, parce que en fait. Le joueur frappait pas assez fort, en fait, dans le ballon quand tu faisais une bicyclette. Ouais. Même pour les têtes, tu pouvais marquer de la tête, mais c'est rare, parce que vraiment la tête, elle était, mais ça, c'est toujours été un problème des jeux de foot, les têtes, pas assez appuyé. C'était vraiment comme si le mec il ralentissait le ballon de la tête, quoi, en fait. C'était assez bizarre. Et moi j'avais une version, j'avais la version Game Boy aussi, je me souviens. Et là par contre c'était bon, le jeu il a vite été vendu à 99 francs à l'époque, hein, donc ça faisait 15 euros, quoi, à peu près. 15 euros maintenant. Le jeu était pas cher, donc moi c'est vrai qu'à l'époque je pouvais rarement avoir de jeux hors Noël. Vraiment quand j'avais des jeux justement, c'est qu'ils coûtaient 100 balles à l'époque. Et le jeu sur Game Boy, mais c'était une calamité. Déjà, bon, voilà. Après, c'était, il s'adaptait vraiment à la console. C'était injouable parce que là, disons que ça te faisait plus penser à un kick-off. Ouais. Le ballon collait pas au pied, en fait. D'accord. Et non, l'ordinateur, il était trop difficile à battre. Et bon, bah voilà, c'était une version que je pouvais emmener quand je partais en vacances. J'étais assez content de l'avoir, mais c'était injouable, quoi. C'était injouable. J'ai des stats intéressantes là que je découvre, c'est que le jeu il a été développé pour environ 80 000 dollars à l'époque. Ouais. Ils ont investi entre 50 et 100 000 dollars pour développer le jeu sur l'année en fait. Et c'était un jeu, on va dire, dans lequel ils avaient peu d'espoir au début, c'est-à-dire qu'ils faisaient un jeu de foot avec seulement 48 équipes nationales. D'accord. Le fait que ça s'est vendu sur plusieurs plateformes, je pense que ça a été un effet déclencheur marketing pour eux. Parce que je pense qu'un jeu comme ça, peut-être qu'il serait sorti que sur PC à l'époque, il n'aurait peut-être pas autant marché. Il n'aurait peut-être pas autant marché, parce que là, ils l'ont presque sorti sur toutes les, toutes les plateformes existantes de l'époque. Hein. Mais le pire, c'est quand ils ont refait des versions pour les Mega CD, les Sega CD. Voilà, c'est sûr. Ouais. Ça a été en disant voilà, le jeu il est un peu plus fluide, il y a des meilleurs sons, etc. Alors que c'était pas vraiment visible dès le premier abord, hein, c'était compliqué de voir la vraie différence, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc on va passer à FIFA 95. FIFA 95, donc il rajoutait les clubs à l'époque, il y avait pas mal de ligues. Tu t'en souviens de toutes les ligues? Ouais, bien sûr. Bah, je l'ai eu aussi ce jeu-là. Donc en fait, c'est une exclusivité Mega Drive. Hein, faut le rappeler parce qu'il est jamais, celui-là n'est sorti sur aucune autre console. C'est une exclusivité et tu pouvais te refaire la saison 93-94. Dedans, t'avais la Bundesliga, t'avais la Serie A, la Liga, la Première Ligue, t'avais même la Ligue 1. Alors, t'avais pas encore les FIFA encore à l'époque n'avait pas les jusqu'en 96, ils avaient pas les la licence, donc t'avais vraiment les vrais noms de clubs, mais t'avais pas les vrais noms des joueurs, mais tu pouvais quand même te refaire la saison 93-94, donc t'avais Marseille, t'avais Angers, t'avais Paris, t'avais vraiment le... Et franchement, c'était une petite révolution pour l'époque, parce que en même temps, t'avais International Superstar Soccer, qui lui ne proposait que les équipes nationales, et là tu te retrouves avec des clubs. Et à l'époque, bon, à part Kickoff peut-être, mais t'avais peu de jeux qui proposaient des clubs, quoi, en fait. Et c'était bien, et cette exclusivité Mega Drive, alors j'ai jamais compris pourquoi elle est sortie que sur Mega Drive, mais c'était une version améliorée de FIFA de FIFA International Soccer. Bon, toujours avec ces petits problèmes de jouabilité, hein, problèmes de contrôle et trucs comme ça, mais tu sentais qu'il y avait quand même une amélioration, et même graphiquement c'était plus joli, quoi, en fait. Ouais. Et c'est je pense que ce jeu a été comment dire, favorisé pour la Mega Drive à l'époque, je me souviens, parce que c'est sur ce support que s'est vendu le plus le premier FIFA 93. Et je pense que Electronic Arts a vraiment voulu remercier un peu Sega d'avoir mis leur jeu en avant, parce qu'il faut savoir que Electronic Arts avait pas réussi à... Alors c'est marrant parce que ils ont chopé toutes les licences après avec le temps, mais ils voulaient à tout prix appeler leur jeu FIFA Coupe du Monde 94, et c'était US Gold à l'époque qui a eu la licence. Donc ils ont préféré sortir un jeu sans les clubs avant Noël en 93 pour le première édition, et justement avoir des grosses ventes à Noël. Ils ont vendu 300 000 copies de ce premier jeu durant la première semaine, et 500 000 durant l'année ensuite, et en tout. Donc FIFA 95, c'était le moyen justement de prendre son temps et de sortir un jeu avec des clubs. Et ils avaient vraiment réussi, parce que moi je me souviens que j'étais à l'époque un peu comme tous les ados dans un club de foot, Et le peu de temps qu'on avait, bah, moi j'avais envie de rentrer chez moi pour jouer à la console et après le lycée, et pour pouvoir vraiment jouer au jeu et faire ma saison, etc. C'était passionnant parce qu'on avait justement la première fois la Ligue 1 dans un jeu de foot, c'était génial quoi. C'est clair, non mais c'est Avec sûr. t'avais le PSG, avec bah il y avait les. Ouais, bah c'est pareil, t'avais vraiment les noms de la D1 de l'époque, mais t'avais pas le nom des joueurs, ouais, c'est vrai. Ouais, donc c'est un jeu qui avait 5 championnats. Il y avait l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie. Je sais pas si on pouvait modifier, ça me dit rien du tout. Je pense pas qu'on puisse modifier à l'époque. Non, c'est à partir de 97 que tu pouvais faire des changements, tu pouvais créer tes propres équipes, mais en fait, non, tu pouvais pas. Et il y avait un truc qui était hyper intéressant à l'époque, qui te permettait de jouer avec 4 manettes sur Mega Drive. Tu branchais sur la cartouche ou avec un adaptateur les 4 manettes et on pouvait être 2 contre 2 dans les équipes. Ça, c'était pas mal, ça. Donc voilà, pour FIFA 95, qui est un peu la version évoluée du 94, qui est toujours sorti sur Mega Drive. Et on se retrouve avec le 96, voilà, qui est disponible sur plusieurs supports une nouvelle fois, Voilà. dont la Sega 32X, qui était un peu l'évolution de la Mega Drive. Ouais. Et puis voilà, qui a pas duré longtemps parce que juste après il y a eu la Sega Saturn. D'ailleurs, bah moi, ce FIFA 96, je l'ai eu sur la Saturne, ouais. Ouais, et quand t'as mis le jeu dans la console pour la première fois, ton impression c'était quoi? Bah, c'est que moi je tombais, alors moi j'avais jamais joué aux versions, j'ai joué bien après aux versions FIFA International Soccer en 3D, et moi je me retrouvais avec un jeu en, je sais pas si je peux vraiment dire, oui c'était en 3D, et au début j'ai pas vraiment accroché parce que je trouvais difficile, et puis petit à petit bah j'y ai joué parce que de toute façon j'avais pas le choix, hein. Je voulais pas le revendre parce que je savais pas quoi me prendre après, quoi. Et j'y accrochais, mais le temps que je m'y accroche, il y a FIFA 97 qui est sorti. Je l'ai eu, j'avais eu FIFA 97 juste après. Donc en fait, c'est un jeu qui, bah, j'ai pas vraiment de sentiments. J'avais bien aimé parce que pour moi, c'est la première fois que je jouais à un jeu de foot où il y avait des commentaires. C'était en anglais, mais ça te donnait encore plus l'immersion, d'être dans l'immersion, quoi. Et à la fin, je le trouvais pas si mal que ça, ce jeu, quoi. Bah, disons que moi, c'est un jeu sur lequel j'ai vraiment apprécié jouer avec des amis pour la première fois. Parce que Ouais. faut dire que sur Mega Drive, t'avais beau faire des beaux matchs, t'amuser, te dire tiens, on va faire un contre un, ça va être sympa. Bah, à chaque fois, c'était n'importe quoi. Parce que l'ordinateur, je veux dire, il te laissait pas marquer ou des choses comme ça, C'est ça. enfin des actions toutes simples comme dans un jeu NHL où voilà tu fais une passe en retrait et tu dois faire un jeu à une touche de balle pour marquer, ben non, t'allais faire un tir bizarre qui partait en l'air, le gardien allait plonger, il allait tout le temps l'avoir. Là, FIFA 96, pour la première fois, tu peux jouer à une touche de balle, tu peux faire des débordements, tu peux faire des centres, des têtes, des reprises de volée, des ciseaux. Même si après c'est de la 3D un peu expérimentale sur PlayStation et Saturn, parce que c'est la première fois vraiment qu'on, après la 3DO, on utilise ce Pour moi, support. c'est pas une vraie de vraie 3D. Ouais. C'est bizarre cette 3D là, quoi. Mais c'était vraiment les prémices de la vraie 3D qui sortira. Pour moi, après FIFA 97, ça devenait de la vraie 3D, quoi. Et c'est marrant parce que le jeu qui soit sorti sur Saturn ou PlayStation, il était légèrement mieux noté sur PS1. Alors moi j'ai pas pu voir la version Saturn, Bah, c'était bouilli de pixels sur la ouais, Saturn. Ça a toujours été le problème des c'est pour FIFA. Il ça. était beaucoup plus beau sur PlayStation que sur Saturn. Ah, Et ça se vérifiera avec FIFA 98. d'accord. Mais c'est un jeu qui est sorti donc voilà au mois de novembre sur toutes les plateformes et un peu plus tard sur Game Boy au mois de décembre 95. Et il était sorti un mois en avance sur Windows 95 à l'époque sur les PC, etc. Alors là, je peux pas dire si sur PC ils avaient gardé l'ancien moteur graphique, c'est-à-dire le moteur Mega Drive, ou s'ils avaient évolué vers la 3D. Alors là, je pourrais pas te dire. Franchement, j'ai jamais joué à FIFA 96 sur PC. J'ai sur Saturn, sur PlayStation, sur les consoles 16 bits, mais sur PC, j'ai jamais joué, tu vois. Ouais. Et puis pour la première fois, t'avais des commentaires en direct de commentateurs connus anglais Il y en qui avait qu'un, je crois. Hein. il y en avait Pour peut-être celui-là, qu'un, il y avait il y en avait qu'un, ouais. et bon, il commentait pas tout. C'est à partir de FIFA 97 que tu auras vraiment commenté en temps réel. Là, ce sera juste pour le nom des joueurs. Et puis même quand il y a une action chaude, alors à chaque fois, t'écoutais le mec faire oh comme ça. Mais c'était quand même prenant, quoi, parce que et j'adorais quand il disait le nom des joueurs en français, quoi. Parce que c'était un anglais. Pour Le Guen, il disait Le Guin. Ouais. Mais c'était non, franchement, ça donnait une bonne immersion, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, par rapport à ce qu'ils racontent dans les tests, ils disent que les couleurs sont meilleures sur la Saturn, mais la fluidité et puis le côté graphique général était meilleur sur PlayStation. Ouais, mais c'est sûr. Mais c'est un peu la Saturn, je veux dire, a toujours eu des meilleures couleurs quand tu vois les jeux de combat, tous les jeux un peu animation 3D, etc., qu'il y avait sur les shoot'em up, tu sais. Ouais, les couleurs étaient meilleures que sur la PlayStation qui était un peu plus terne. D'ailleurs, c'est vrai que ce FIFA 96, son défaut, je me souviens, c'était que t'avais l'impression que tout était pâle un peu. Les rouges pâles, les maillots, t'avais des jambes un peu grises des joueurs. C'était pas exactement les couleurs mêmes. Ils voulaient donner déjà un côté photoréaliste à l'image. Mais oui, c'était pas vraiment, je sais pas, il y a des moments, si tu veux, t'avais l'impression de regarder un match quand il pleuvait ou quand il y avait du brouillard. C'est ça. C'était un peu le souci. Mais bon, pour l'époque, t'avais quand même t'avais la saison 95-96 dans ce jeu-là. T'avais quand même toutes les ligues qu'on avait dit bien avant, donc la Ligue allemande, la Serie A, la Liga, Première Ligue, Ligue 1, Eurodivisie pour la Hollande, et puis ils avaient rajouté la Ligue écossaise, la Ligue suédoise et puis la Super Ligue malaisienne. Alors j'ai jamais compris pourquoi ils ont voulu ajouter la Malaisie. C'est comme pour 97, ils avaient rajouté le championnat de Brunei, du sultanat de Brunei. Jamais compris. Alors est-ce que c'est parce que c'est le sultan qui a posé des billets pour dire faites connaître ma ligue. Ouais. Ça doit être ça, parce que moi j'ai pas souvenir que cette ligue là à l'époque c'était la hype. Personne n'allait, les gens préfèrent aller au Japon, soit ils allaient de temps en temps peut-être jouer à Singapour, mais tu vois, c'était pas trop les destinations que préféraient les footballeurs en fin de carrière, quoi. Non, mais c'est une histoire qui avait été racontée, je me souviens, par un magazine à la télé qui racontait que justement c'était un sultan ou c'était un émir, c'est sultana, je crois, hein. Ouais. Sultana, ouais. qui était fan de ce jeu là il voulait à tout prix que son championnat soit dans le jeu, donc il avait donné de l'argent à Electronic Arts à l'époque pour que justement le championnat soit dans le jeu. Electronic Arts, ils les ont pas trop épargnés, parce que la plupart des clubs étaient pas bons, donc si tu voulais te faire plaisir, tu faisais un Juventus ou un Barcelone contre eux. Il y a un nom qui m'arrive, Terengganu, Ganou, voilà, c'était un... je me demande si c'était pas de Malaisie, c'était du sultanat de Brunei. Ouais, c'était assez bizarre, quoi. Ouais. Mais bon, revenant à cette version 96, t'avais les prémices de FIFA 97, quoi. Mais moi, cette caméra me gênait, quoi. Tu vois, c'est la caméra, elle était un petit peu amovible, j'arrivais pas forcément à jouer correctement avec cette caméra là, quoi. En fait, c'est bizarre. Oui, en effet, c'était une caméra, je me souviens, qui était légèrement au-dessus et qui, en même temps, qui faisait des zooms devant les buts. C'est ça. Et qui te permettait de voir le terrain d'une façon générale. Mais t'avais ce côté arcade qui était un peu resté déjà. Il n'y avait pas l'esprit simulation dans ce FIFA. Ça n'existait pas. Et tu pouvais faire des scores fleuves. Hein. Il y avait cette possibilité de faire les tirs avec la touche normale pour les tirs, mais tu pouvais aussi tirer avec la touche des passes lobes, je me souviens. Oui. Et tu pouvais faire des tirs en diagonale avec un plus ou moins de force, et ça pouvait atterrir en lucarne souvent, des lobes du milieu de terrain. Là, les lobes du milieu de terrain, c'était une catastrophe. En fait, tu faisais des lobes du milieu de terrain, t'as le ballon, il tapait sur le sol et ça lobait le gardien, en fait. Ouais, il y avait des trucs énormes. C'était un jeu qui n'était pas terminé, je me souviens. Moi, j'ai eu plein d'amis qui ont pris le jeu et j'étais un des seuls à l'avoir gardé jusqu'au bout parce que j'adorais le foot, mais eux, ils se sont dit, mais attends, c'est n'importe quoi, le gardien fait ci, le gardien fait ça. Et nous, je me souviens, c'est vrai que pour contrer tous ces machins-là, quand on jouait entre nous, on s'imposait des règles. On disait, non, on tire pas avec ça, on tire pas du milieu de terrain. Et à la fin, on arrivait à faire des vrais matchs, quoi. Parce que on empêchait de jouer d'une certaine manière avec la manette. Donc et puis on a fait des sacrés tournois, hein. Ça je me souviens, ça a duré un petit moment. D'ailleurs à l'époque t'avais le FC Parme de Stoïkov et de Buffon déjà. T'avais, enfin il y avait des grandes équipes de clubs européens qui étaient dans le jeu, c'était génial quoi. Je me souviens, t'avais Liverpool avec des joueurs connus aussi. Enfin tous les grands clubs européens avaient des superstars à l'époque. Mmh, c'est sûr. Bien de leur pays, le Milan AC, etc. Enfin, mmh. T'avais le Brésil aussi qui était impressionnant dans le jeu avec des super joueurs. Mm. Non, on a fait des bonnes parties, je me souviens, et c'était un jeu sur lequel tu t'amusais en exploitant les bugs du jeu, tu jouais comme tu pouvais quoi. C'est ça. On va dire que t'avais l'animation à la mi-temps aussi avec une petite vidéo qui tournait en séquence sur l'écran géant du stade. Souvent on la zappait après hein, parce que à la fin t'en avais marre de la voir. Ouais, t'avais toujours une petite vidéo qui passait ouais. Je m'en rappelle plus de quel champion, enfin t'avais c'était des images ouais, de vrais matchs, mais c'était souvent plus, des images de la Coupe du Monde 94. Ouais, c'est ça ouais. En intro, l'intro du jeu, bah c'est une des premières fois où t'as l'intro en vidéo d'un FIFA quoi, une séquence vidéo qui comme toute sur la PlayStation et tous les jeux Electronic Arts et de sport, après t'auras des intros vidéo, ça va être la mode. Et t'avais justement le but d'Amokashi là qui est dans la vidéo à la Coupe du Monde 94, ou Yekini peut-être, je sais plus. Enfin, t'avais pas mal de séquences justement qui étaient assez datées, mais hyper bon, sympa. C'est vrai qu'au début, voilà, tu regardais, tu dis ouais, c'est génial, et puis à force, t'en avais marre. À la force, t'en avais marre. Ça prenait du chargement parce que si tu regardais pas la vidéo, ouais. ça chargeait, et t'avais quoi, tu perdais au moins 15-20 secondes pour revenir au coup d'envoi, quoi. Ouais. Mais bon, c'était un jeu où tu pouvais faire championnat, coupe, saison, etc. Comme il y avait pas les coupes d'Europe, je pense encore. Non, t'avais pas les coupes d'Europe. T'avais juste, tu pouvais faire un championnat, mais tu pouvais pas faire de coupe d'Europe ou tu pouvais juste faire un tournoi personnalisé, quoi. Voilà. Mais voilà, après on arrive à FIFA 97. Ah. Alors ça c'était une petite catastrophe sur PlayStation. Je me souviens de ça. Je sais pas comment toi tu l'as perçu ce jeu. Moi je l'ai eu sur la Saturn et franchement je l'avais bien aimé moi en fait ce jeu-là. Ouais, je l'avais bien aimé. Ce que j'ai jamais compris et que je n'ai jamais trouvé de d'infos dessus, c'est que normalement tu devrais censé avoir la saison 96-97 sur ce jeu-là, et tu te retrouves encore avec la version 96-97, mais t'as pas Marseille dedans. D'accord. Dans FIFA 97, normalement, tu devrais avoir Marseille parce qu'ils étaient remontés en première division. T'as pas Marseille dedans, c'est remplacé par Martigues. Ah, mince, ouais. Et j'ai jamais compris pourquoi ils n'avaient pas mis Marseille dans ce jeu-là, parce que normalement, ils auraient dû y être, quoi, en fait. Et bon, ça avait été une petite déception pour moi aussi, parce que voilà, j'aurais bien voulu jouer avec Marseille. Mais bon, bah c'était pas possible. Et ce jeu-là, je l'ai eu donc sur Saturn et je l'ai eu sur PC aussi, parce qu'à l'époque quand t'achetais une c'était les Holitech, les modems Holitech, parce que bon, c'était vraiment le début de d'internet, et donc t'avais un modem, et beaucoup pour vendre leur modem, et ben ils t'offraient un jeu avec. D'accord. Et j'avais eu FIFA 97 avec. Alors tu penses que quand j'avais vu à l'époque, donc on cherchait un modem avec mes parents, tu penses qu'à l'époque, quand j'avais vu qu'ils vendaient FIFA 97 avec le modem, j'ai dit à mes parents, on va prendre un Holitech. C'était pas trop mal à l'époque, les Holitech. Et par contre, donc ce jeu-là sur PC, j'ai jamais compris. T'avais pas d'ambiance. Enfin, c'est pas que t'avais pas d'ambiance. T'entendais les chants de supporters, mais dès que tu marquais, eh ben, t'avais pas d'ambiance du tout. Ouais. T'avais pas de supporters qui explosaient de joie. Par contre, sur Saturn, ça marchait très bien. Sur PlayStation, ça marchait très bien. Sur PC, aucune ambiance. Alors, ce que je m'amusais sur PC, je prenais que Monaco. Alors, je suis désolé pour les supporters monégasques, mais bon, ça faisait réaliste parce que t'avais pas d'ambiance, donc. Voilà, ah, d'accord. Ouais. C'est vrai que la petite anecdote est marrante. Ouais. Et tu pouvais jouer. Je te laisse parler après. Non, c'est ouais, juste. Ouais, tu pouvais jouer aussi avec la souris. Tu pouvais jouer avec la souris, avec FIFA 97, c'était totalement injouable. Mais totalement. Jamais compris pourquoi ils ont voulu. T'as besoin de nous le dire, que c'était injouable. Non, mais je pense qu'on avait jamais éliminé. Compris pourquoi ils se sont mis dans la tête. Tiens, on va faire quelque chose de bien sur PC, on va faire jouer à la souris. À la souris, c'était complètement injouable. En fait, si tu veux, t'as le joueur, il se déplaçait tout seul. Et toi, bah, fallait que t'essayes d'être à droite, d'aller à droite, à gauche. Et t'avais juste, eh ben, possibilité de faire une passe et de frapper. Mais c'était nul. Mais c'était d'une nullité, franchement. J'ai jamais compris pourquoi ils ont, c'est comme si ils ont voulu faire ça. C'est comme si tu me disais, on va jouer à Pete Sampras avec un volant de voiture. Voilà, bah, si c'est un peu veux. Ça. On va tester, mais écoute, voilà. Mais non, pour nous qui avons, enfin nous, mes amis d'époque qui avons joué à tous les FIFA, enfin les deux premiers FIFA qui étaient sortis, les trois même. Là, le 97, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que le jeu, déjà pour le trouver, on a eu un peu de mal parce que tous les magasins ne l'avaient pas le jour de la sortie. Il y avait cette histoire-là, je me souviens. Dans les Micromania à l'époque, il fallait réserver et puis les gens qui réservaient, ils les avaient vraiment en avance. Par contre, les autres, fallait attendre 2-3 jours. C'était un peu galère. Mais 97, waouh. Je me souviens que nous sur PlayStation, on a été l'acheter à 3, c'est-à-dire que on a pris 3 jeux. Il y en a 2 d'autres d'entre nous qui ont rendu le jeu le lendemain. Tellement c'était une catastrophe le jeu. Mais d'accord. Quand je dis catastrophe, c'est que injouable. Tu tirais des 6 mètres, le ballon partait en corner, il partait dans tes buts des fois, alors que là tu mettais la bonne direction pourtant. C'est entre FIFA 96 PlayStation et FIFA 97, il y a eu un manque d'écart. Ils ont voulu refaire la 3D, refaire la gestuelle des mouvements et refaire la physique de balle, refaire, c'était une catastrophe le jeu. D'accord. Et ouais, alors peut-être que la version Saturn avait encore l'idée. Bah écoute, je vais dire un truc, c'est, je sais pas, enfin je te rejoins pas forcément, enfin moi la version Saturn, j'ai jamais eu de soucis, je m'étais toujours amusé avec. Et plus tard là, comme je collectionne un peu les vieilles consoles, je m'étais pris FIFA 97 sur PlayStation et je me suis dit, mais je me rappelais pas que c'était si difficile que ça de marquer un but. De faire à 6 mètres. Non, mais même de marquer un but, de faire des passes et trucs comme ça, j'avais pas de souvenir sur la Saturn que le jeu était si difficile que ça, quoi. Et la version 97, je l'ai toujours, mais j'y joue jamais parce que j'aime pas sur la PlayStation, je trouve trop dur. Ouais. Alors, je sais pas si à l'époque j'aurais trouvé trop dur, mais tu vois, il y a peut-être quelque chose qui se rejoint avec ce que tu dis en fait, hein. C'est peut-être pas faux, hein. Il y avait un gros point fort pour lequel moi j'avais gardé le jeu pendant peut-être un mois ou un mois et demi, 2 mois, je me souviens plus trop. C'est-à-dire que t'avais pour une fois les vrais champs de supporters des clubs. T'avais les champs du PSG. Paris, tu sais le champ qu'Yannick Noah avait fait dans les tribunes. Il y avait EO aussi. Il y avait ça là. Oui, Paris EO, c'est pas ça. Il y avait Paris, ça. Ouais. EO, ouais, ouais, c'est il ça. Il y avait celui-là. Et puis t'avais le champ de Yannick Noah qui avait été instauré dans les tribunes pour la victoire en 96. Ouais. Et puis t'avais d'autres clubs aussi qui avaient leurs chants, les chants anglais, t'avais des. Alors est-ce que dans la version je sais que dans la version anglaise, je viens de regarder, il y avait 3 commentateurs. T'avais un qui présentait et t'en avais 2 qui parlaient pendant le match. Non, on n'a jamais eu ça. On a toujours eu que 2 commentateurs, part LNF Star 2001 où t'avais Nathalie Iannetta qui de temps en temps intervenait. Nous on avait juste Jean-Luc Reichmann qui présentait le match. Ouais. Et t'en avais 3, mais Jean-Luc Reichmann, il intervenait jamais pendant le match, il intervenait qu'au début en disant, je me souviens, FIFA 97, c'était bienvenue au Virtual Stadium, parce que t'avais qu'un stade. Ouais. À l'époque, t'avais pas 36, t'en avais qu'un, t'avais le Virtual Stadium. Et nous allons voir le match entre Manchester et Liverpool, sans plus attendre, laissons place à Thierry Gilardi et David Ginola, c'est tout. D'accord. Oui, puis Ginola, c'était une cata quand il parlait. Il récitait ce qu'il disait, quoi. Hein. Ouais. Ah oui, c'est un superbe tir. Ouais, c'est ça. Hein. Oh, tu le fais bien en plus. Ouais, mais c'est exactement ça. Bah, attends, faut savoir jouer. Quel but, mes aïeux. Ouais, c'était ça. Tu récitais, quoi. Et c'était une version qui intégrait le foot en salle aussi. Ouais, par contre, j'avais passé des bons moments dessus, mais plus sur FIFA 98 que sur le 97. Ouais. Parce que le gros souci sur FIFA 97, c'est que t'avais une caméra qui était pas du tout adaptée à sur Saturne. Hein. Mmh. En fait, si tu veux, t'avais une caméra sur Saturne qui était, tu pouvais la changer après, mais au début, tu mettais celle-là par défaut. C'était une caméra du joueur, quoi, en fait. Enfin, en fait, c'est comme si la caméra elle l'avait posée au milieu du terrain. D'accord. D'accord. Donc d'accord. En fait, au début, t'étais complètement paumé. Tu frappais dans le ballon, bah, il allait partout. La caméra, elle essayait de ouais. de suivre le ballon, mais c'était une calamité. Après, tu pouvais changer dans les options pour mettre une caméra plus faisable. Mais ils l'ont plus amélioré dans FIFA 98, le mode en salle. Mmh. Ah, pour moi, ce FIFA 97, le seul point amusant du jeu, c'était le foot en salle, justement, ouais. Et le fait que t'avais les champs de supporters. Mais tout le reste, tu voulais jouer au foot normal, faire une saison et tout, c'était rempli de bugs, tellement impossible à jouer. Et la vitesse des joueurs sur le terrain, les joueurs, quand ils marchaient, ils se déplaçaient en faisant des grandes enjambées avec des jambes qui allaient tout doucement, comme des géants, ils marchaient comme ça. C'était D'accord. insupportable. Et je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est bizarre parce que moi j'ai pas de souvenir de ça sur la version Saturne en je fait. Je vous laisse regarder les vidéos sur YouTube pour comprendre ma souffrance à l'époque. Bah à l'époque il y avait toujours le moyen de revendre le jeu assez rapidement sur les boutiques spécialisées pour perdre seulement on va dire 10€ dans l'affaire, mais ouais. Ça faisait mal parce que tu sortais d'un FIFA 96 qui était assez fun, pas très très beau mais fun, et le 97 c'était le jour à la nuit quoi sur PlayStation. Et justement la version Mega Drive et Super NES qui était une des dernières de cette console 16 bits, eh ben le jeu était vraiment sympa quoi. Ils avaient amélioré le gameplay. Enfin, c'était un peu plus sympa que le FIFA 94 qui était sorti 3 ans avant quoi. Ouais. Bah je l'avais aussi. Enfin non, c'est pas moi qui l'avais, c'est un copain qui l'avait là sur version Mega Drive. Ouais, il était pas mal. T'avais encore cette c'était une 3D. Enfin, c'était pas en 3D, hein. C'était encore en 2D isométrique. C'était pas mal. Ils avaient refait totalement le graphisme. Les joueurs étaient plus fins. Voilà, c'était pas des gros joueurs. C'était beaucoup plus fin. Mais en version en salle, c'était très marrant. Mais oui. C'était très marrant, mais c'était pas si jouable que ça en fait. Hein. Encore FIFA 97. C'est pas avec ce jeu-là que t'arrivais à te faire des grosses actions parce que c'était toujours pareil les tacles. Tu te faisais toujours tacler au mauvais moment. Les gardiens étaient trop bons. Mais j'en ai quand même un bon souvenir aussi sur la 16 bits, hein, sur la Mega Drive, ce jeu-là. Hein. J'y ai joué pas mal de fois. Hein. Mais en tout cas, c'est une version qui a été élu par les fans une des pires versions de FIFA de l'histoire. Alors pour les fans récents, pour la pire version c'est le FIFA 18, mais ouais. Si vous aviez connu cette époque-là, je pense que vous auriez plus élu FIFA 97 qui était une grosse déception surtout. Finalement, je m'en suis bien sorti moi avec la Saturn parce que je te dis j'ai pas de mauvais souvenirs de ce jeu en fait. Ouais. Tant mieux, peut-être parce que bon, c'était un de mes deuxièmes jeux comme FIFA 96, j'ai peu joué à FIFA 96. Mmh. Pour moi, FIFA 97, c'était vraiment mon premier vrai jeu de foot 3D. Donc, c'est peut-être pour ça que j'en ai un bon souvenir. Ouais, peut-être aussi. Mais bon, après, t'arrives au Saint Graal du jeu de foot pour moi, quoi, en fait. FIFA 98. Alors, est-ce que c'est en route pour la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde 98? Non, c'est en route pour la Coupe du Monde et quelques mois plus tard, ils ont sorti Coupe du Monde 98. Pour moi, ça reste un des meilleurs souvenirs de ma carrière de joueur, entre guillemets, parce que t'as les clubs et t'as toutes les équipes internationales. À l'époque, ils s'emmerdaient pas. Ils avaient quand même sorti la licence Coupe du Monde 98. Ouais. Mais t'avais là ce jeu-là, par contre, je l'avais eu sur PC parce que j'avais vendu ma Saturne parce que j'en avais marre de la Saturne. Et d'ailleurs, FIFA 98 sur Saturne, c'était une calamité, c'était moche, c'était pas beau, c'était injouable, enfin tout ce qu'il faut. Moi, ce que tu dis sur FIFA 97 sur PlayStation, moi je l'ai vu, je l'ai ressenti sur FIFA 98 quoi, en fait, sur la Saturne. Ah bon. Sur la Saturne, il est pas bien, il est moche, il est pas jouable du tout. Et par contre sur PC, ça a été vraiment une révélation, quoi, parce que voilà, t'as tout dans le jeu, t'as tu peux faire les championnats et tu peux te faire la Coupe du Monde en partant par les qualifications. Mais ça, c'est une révolution à l'époque, ce jeu, quoi. C'est vrai. On avait déjà testé les qualifications dans Sensible Soccer 92 sur ordinateur. Mais pour la première fois, tu pouvais faire les matchs aller-retour dans les plus ou moins les vrais stades des pays qui étaient adaptés. T'avais énormément de stades dans ce FIFA 98. T'avais le Rose Bowl en plus. Ouais, un stade mythique. J'adorais prendre ce stade-là, quoi. Ouais, après c'est des versions, attention, c'est le début de la 3D, hein, donc vous dites pas tiens, je vais regarder les images de ce jeu et puis je vais halluciner par les détails graphiques. Et ce jeu-là, je l'avais testé sur PlayStation, mais qu'une version c'était la version démo à l'époque. Le pote j'allais chez un pote et il avait une version démo, alors je m'en rappelle plus, ça devait être sur PlayStation Magazine. D'accord. Ou Console Plus, je m'en rappelle plus, que c'était peut-être plus Console Plus, je m'en rappelle plus. Et là tu démarres le jeu, tu tombes sur Song 2 là de Blur. Oui. Oh putain, mais tu te dis mais waouh, enfin la chanson elle te reste dans la tête, quoi, en fait. Blur, après années Blur, on est encore dessus, ouais. Ah ben bien sûr, on la réécoute de temps en temps dans les pubs, cette chanson là. Et je sais pas, enfin ça te rentre dans la tête, cette chanson là. Et puis le jeu, c'est une révolution parce qu'il est graphiquement, il est beaucoup plus joli qu'il fait 97 et 96. C'est plus fluide. Et puis t'as un contenu que FIFA n'a jamais refait, en fait, finalement. Hein. Bah, c'est surtout que t'avais la possibilité de modifier les joueurs à souhait et puis de refaire tes effectifs, etc. T'avais également tous les clubs de Ligue 1, t'avais des météos ajoutés, t'avais la neige qui était apparue pour la première fois aussi. Et tu pouvais faire ta propre équipe de France. On avait donc 16 stades et 172 équipes nationales, c'est quand même... Oh là là, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. Bah, on retrouve ça après dans les versions spéciales, parce qu'après, ils ont sorti, pas longtemps après, ils ont sorti Coupe du Monde 98, tu retrouvais les 32 équipes qualifiées, plus... Je crois que tu avais 2-3 équipes qui n'étaient pas qualifiées, comme la Grèce, la République d'Irlande, et puis je m'en rappelle plus. Ça devait être 2-3 équipes qui n'étaient pas qualifiées, qui étaient qualifiées pour la Coupe du Monde 94. Ils avaient dû rajouter 2-3 équipes en plus. C'est tout. Mais là, tu te retrouvais avec un contenu et c'était dingue, quoi. Franchement, pour l'époque, pour moi, c'est pour ça que ce jeu-là reste le plus beau souvenir de ma carrière de joueur, quoi, en fait. Enfin, de joueurs de jeux vidéo. Non, mais il y a plein de gens qui ont adhéré à ce jeu-là, mais après, avec le temps, on s'est rendu compte que finalement, ce jeu, il était assez limité, mais pour l'époque, t'avais ça, et t'avais, bien sûr, ISS qui débutait, ISS 98 et 97, qui étaient pratiquement de la même année, et qui avaient commencé à disperser les joueurs pro PES et pro FIFA. Ça commençait vraiment. C'est ça, ça commence à partir d'ici, ouais. Et je trouve que il y avait déjà ce souci avec les licences et puis les joueurs qui n'existaient pas, etc. Ça commençait déjà et ça posait un gros problème parce que t'avais, nous, à la Coupe du Monde en France, on avait envie de la vivre à 100% et avoir les vrais stades, les vrais joueurs, les équipes. Alors même si FIFA Coupe du Monde n'avait pas encore tous les joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde dans chaque pays, parce que il y avait justement ce jeu qui était sorti un peu en avance et l'équipe de France n'avait pas les 23 ou 21, je sais plus à l'époque. Les 22, je crois. et justement il y avait 2-3 joueurs qui manquaient en équipe de France, peut-être du Guéry ou je sais plus qui. Il y avait Papin à la place ou juste comme ça. Non, Papin il était pas pour Coupe du Monde 98. Je crois que t'avais à peu près tout le monde, mais je crois qu'ils avaient rajouté 2-3 joueurs. Je me demande si t'avais pas Jetou et puis la Mouchi ou un truc comme ça qui avait été exclu de qui avait été non sélectionné, ils les avaient quand même rajoutés dans l'effectif. D'accord. Et c'est vrai qu'il y avait une petite différence entre la version PC, je me souviens, et la version PS1. Sur PC, t'avais beaucoup plus de détails sur la pelouse. C'était beaucoup plus joli, hein. C'était beaucoup plus joli sur PC que sur... comment t'expliquer ? Sur PlayStation, t'avais l'impression qu'il y avait un espèce de voile blanc, en fait, sur l'image... que sur PC, c'était beaucoup plus coloré. C'est vrai que bon, quand t'avais un bon PC, moi je te dis, j'avais la carte 3DFX. Avec la carte 3DFX, à l'époque. Je dis pas que t'étais le roi du pétrole, mais t'avais quand même une sacrée bonne carte et ça t'améliorait vraiment les graphismes. Je me rappelle dans FIFA 98 quand tu jouais en hiver avec la neige, bah t'avais un espèce de brouillard en fait que t'avais pas si t'avais pas la carte 3DFX, ça te rajoutait vraiment encore plus une immersion. Et Coupe du Monde 98, c'est vrai que bah c'était quand même beaucoup plus joli sur PC. Mais si t'avais une version PlayStation, c'était la plus belle que des autres consoles, quoi, en fait. L'avantage surtout que t'avais sur la PlayStation, c'était la manette. Parce que tu pouvais jouer d'une façon assez simple, ergonomique. Vraiment, à l'époque, Sony avait cette licence pour la manette qu'ils avaient créée. Et ce plaisir de jeu, tu pouvais pas le ressentir forcément avec des manettes PC. Et l'avantage qu'il y avait vraiment dans ce FIFA, je me souviens, c'était que t'avais tout l'emballage graphique qui allait avec la Coupe du Monde, t'avais le scoreboard officiel, les publicités autour du terrain, t'avais également les banderoles dans les stades, t'avais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, voilà, les séquences vidéo avant les matchs où tu voyais la ville où allait avoir lieu le match. Les hymnes. Les hymnes, ouais. C'était tronqué, mais t'avais les hymnes quand même, quoi. Ouais. Et puis t'avais l'intro vidéo toujours avec je sais plus le nom du groupe. Ah je m'en rappelle plus. Chopawamba, ouais, c'est ça. Ouais. Et celle-là c'est pareil, ça reste dans la tête. Ouais. Tous ceux qui ont joué à ce jeu-là, dès qu'ils écoutent ça, ils se disent ils pensent obligatoirement à Coupe du Monde 98. Pareil quand ils écoutent Lourdes, ils pensent à Song 2. Ben, c'est un truc de dingue parce que de 97 à 2000, FIFA, ils avaient des bandes son mais de monstrueuses pour moi. Ah ouais, tout à fait. Même 99. Ouais. Ils avaient Fatboy Slim, Rockefeller Shank là, ça faisait na na na na na na. Tu vois, enfin ça reste dans la tête. Et puis après c'est Robbie Williams qui a repris FIFA 2000. Je crois que c'est une des premières fois, peut-être la deuxième, où tu as les flèches qui apparaissent au niveau des coups francs et des corners. Oui. Parce que le 97, je crois qu'il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est à partir du 98 que t'as le système de flèches pour les corners et puis les coups francs, ouais. Mais ça gâchait un peu le jeu au final, je trouve, non, parce que quand tu jouais à deux sur le même écran, tu vois, il y avait pas le mode online et tout, donc encore. Ouais, c'est vrai. Et ouais, ça pouvait tout gâcher et puis même c'était trop facile, même quand tu jouais en salle. Ouais. Que t'étais aux abords de la surface, t'avais presque but à chaque fois parce que t'avais juste à mettre une praline tu sais, ta flèche à fond. Ah oui. Donc plus t'appuyais, pour ceux qui connaissent pas, plus t'appuyais sur la touche de tir, plus la flèche elle s'allongeait en fait. Donc t'avais juste à mettre une praline et puis c'était but à coup sûr parce que le gardien il plongeait même pas pour récupérer le ballon, quoi. Ouais, je me souviens de ça, c'est vrai que le ballon rebondissait à fond en plus sur les parois des murs. C'est ça. C'était un peu n'importe quoi. T'avais le ballon qui partait comme si c'était une boule de pétanque. C'est ça. Mais c'était marrant de jouer dans ce mode futsal un peu je crois qu'ils l'ont enlevé le futsal à un moment donné. Donc ils l'ont enlevé dès FIFA 99. C'est vrai qu'à partir de FIFA 98, voilà, tu pouvais reconnaître quand même les joueurs, ouais, c'est vrai que ça il y avait une avancée graphique dessus, quoi, c'est sûr. Surtout quand tu joues contre le Brésil ou une équipe africaine, t'as pas envie que les joueurs soient forcément tous blancs, quoi. Bah, c'est ça. ça gâche un peu le trip. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Et à partir de FIFA 98, tu pouvais quand même plus construire tes actions, même si ça restait quand même encore un jeu arcade où tu pouvais prendre un joueur et puis aller directement face au but. Mais t'arrivais quand même à plus construire tes actions, quoi. Et je crois que le 98, c'est un des premiers FIFA où t'as la simulation de faute, c'est-à-dire que le joueur pouvait plonger dans la surface comme s'il avait été touché. Voilà, tu pouvais simuler, ouais. Et tu pouvais aussi faire des coups du sombrero, tu pouvais faire des passements de jambes, en fait. Ouais. Fallait appuyer sur R2 plus rond ou R2 carré, R2 croix ou R2 triangle, ça faisait un mouvement différent, en fait. On a dû attendre un tout petit peu pour pouvoir jouer avec ce stick. D'ailleurs, c'était un peu déroutant, hein, la première fois. Je me souviens quand tu veux jouer à du hockey sur glace ou du foot américain. Oui. Ça, c'était vraiment pas facile, quoi. Enfin, c'était nouveau, en fait, hein. T'avais, même les manettes de PC n'avaient pas ce stick analogique, hein, et c'est... Et je crois que ce FIFA également, c'est un des premiers où les frappes enroulées faisaient mouche à coup sûr. Et ça a commencé à peu près vers là, je pense. 98, ouais. Tu faisais une frappe enroulée, t'avais à coup sûr but presque, parce que en fait la plupart des frappes c'était des frappes enroulées en fait dans FIFA. T'avais rarement des frappes droites. Tendu, ouais. Ouais. C'était que des frappes enroulées. Et suffit d'être au bon endroit, il y avait une chance sur deux pour qu'il y ait but. À moins que t'avais vraiment une équipe très mauvaise, hein, comme je pense au Vietnam, des trucs comme ça, Thaïlande, des trucs comme ça. Si tu prenais vraiment une équipe pas forte, le ballon passait à côté. Mais et quand t'appuyais deux fois sur le rond, ça faisait un lob aussi. Oui, une pichenette ou un lob, tu veux dire lob du gardien. Ça faisait une frappe en hauteur lobée, quoi, en fait. D'accord. Ah, mais c'est vrai que c'est je pense dans FIFA où t'avais le plus de petites techniques justement pour dribbler, etc. Pour jongler, parce que dans les ISS, il y avait déjà les jongles, je me souviens, sur la version Super NES. oui, t'appuyais plusieurs fois sur carré, fallait pas toucher à la manette, à la direction, fallait juste appuyer sur carré, et le mec il faisait des jongles, ouais. Mais dans FIFA, ça faudra attendre le 2008 ou le 2009 pour pouvoir faire des jongles comme ça. Là, tu pouvais pas, en fait. Tu pouvais, si t'appuyais sur carré, ça faisait une longue balle, quoi, c'est tout. Ouais. Donc ouais, et tu veux rajouter quelque chose sur ce FIFA Coupe du Monde? Non, mais sur la Coupe du Monde, enfin FIFA Road to World Cup 98, enfin voilà, pour moi c'est un des meilleurs qui a jamais été fait, un des meilleurs FIFA. Alors c'est sûr que maintenant, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille même pas d'y jouer, parce que franchement ça a mal vieilli. Mais pour quelqu'un qui est de notre génération à nous, hein, des années 80, franchement ce jeu-là, ils ont pas fait mieux FIFA en fait. Pour la PS1, graphiquement et techniquement, il était un des meilleurs, on va dire, jeux de sport à l'époque. Mais l'évolution a pas été forcément dans le bon sens, je trouve. Elle a mis énormément de temps à se développer. Bien sûr, mais là, en fait, on arrive au déclin de FIFA, pour moi. Ouais. ISS commence à reprendre le dessus. Et on arrive finalement à FIFA 99, qui est une suite plutôt pas mal de 98. Niveau graphisme, c'est légèrement plus joli, mais là il y a pas trop, c'est pas trop niveau graphisme, c'est niveau contenu. Alors le contenu, ils ont enlevé, on retrouve quelques équipes internationales, mais ils ont rajouté plusieurs petits modes de jeu qu'on va retrouver cette année dans FIFA 19, à peu près. Enfin, c'est dans le même esprit. Par exemple, tu pouvais faire un match jusqu'à 3 buts. D'accord. Enfin, 3 de 1 à 5 buts. Tu pouvais choisir ça. Dès que t'avais marqué, si tu choisissais un but, bah, dès que t'avais marqué le but, t'avais gagné. Si t'avais marqué 3 buts, t'avais gagné. Tu vois, tu choisissais le nombre de buts. T'avais aussi, ouais, je m'en rappelle plus, t'avais plein de petits modes de jeu comme ça qui étaient assez sympas et qui rallongeaient un petit peu la vie du FIFA, quoi, en fait. Ah, t'avais le but en or, bien sûr. Ouais, t'avais le but en or aussi, ouais. Ça avait été une nouveauté. Pour cette Coupe du Monde 98, et FIFA 99, ils ont continué dans le même truc, quoi. Truc, il y avait 12 championnats, je vois. C'est assez énorme, hein, quand tu vois la Belgique, portugais. Ouais, en plus. Et bien sûr, il y avait beaucoup moins d'équipes nationales, hein, comme on a dit. Et puis il y avait 50, quand même 50 clubs du reste de l'Europe pour faire justement les coupes d'Europe, UEFA, Coupe des Coupes. Et j'en passe. C'était à l'époque, c'était encore la Coupe des... Non, c'était déjà la Ligue des Champions, ouais, bien sûr. T'avais pas les licences, mais tu pouvais faire un tournoi personnalisé. Oui, tu créais ton tournoi, voilà. Simplement. Il n'y a aucun problème. Il y avait beaucoup de modes de jeu dans FIFA qui étaient paramétrables avec les matchs aller-retour, etc. Ça. C'était déjà bien. Et d'ailleurs, on voit des clubs vraiment du reste de l'Europe, du fin fond de l'Est, des pays de l'Est ou de Chypre carrément. Ouais, je me demande s'il y avait pas. Voilà, je me demande s'il y avait pas une équipe aussi d'Arménie, la Ravan, je crois, un truc comme ça. Je me souvenais que c'était une des plus faibles équipes du jeu, en fait. Ouais. Ah, il y avait une équipe norvégienne, là, je vois. Vålerenga. Ah bah tiens, justement, tu me parles de l'équipe norvégienne, t'avais Rosenborg, et Ouais. quand tu jouais avec Rosenborg, Ouais. c'était génial parce que t'avais vraiment les chants Du des club. supporters du club, et t'écoutais Rosenborg comme ça, c'était génial, franchement. Moi je prenais juste ce club, Ouais. enfin je prenais le club juste pour écouter l'ambiance, quoi. C'était vachement bien retranscrit. En plus, il y avait le stade de Trondheim, en plus Ouais. le stade de Rosenborg, il était dans le jeu. Et c'était génial, quoi. Ça faisait vraiment, tu te croyais vraiment dedans, quoi. Et donc FIFA 99, c'était un jeu vraiment un jeu jetable, c'est-à-dire que on avait passé la Coupe du Monde, tout le monde s'était rendu compte que ISS 98 était meilleur et tout le monde était parti chez le concurrent. Et C'est FIFA, on ça. l'avait essayé sur une copie pirate, en fait, pratiquement. Moi, tous les gens que je connais, ils avaient jamais acheté le jeu. Faut dire que par contre, c'est vrai, pour ce jeu-là, la jouabilité avait été remaniée au-dessus, quoi, un niveau au-dessus. Et t'avais aussi une fluidité dans les animations qui était largement meilleure que le 98. Et je veux dire, le jeu était meilleur que le 98, mais encore à des années-lumière d'ISS C'est ça. 98. Ils avaient rajouté aussi des petites animations. Par exemple, tu avais un joueur qui loupait un but, et bah tu le voyais s'énerver parce Oui. il avait loupé un but. Voilà, il y avait des petites séquences Ouais. qu'ils avaient rajoutées. Il était pas mal, mais c'est vrai que quand tu avais goûté à ISS Pro, voilà, enfin, Ouais, y a pas tu photo, préférais hein. ISS, quoi. C'était obligé. Il y avait juste une version vraiment qui était discutable et des gens avaient vraiment envie d'y jouer. C'était la version encore N64 parce que graphiquement c'était au-dessus de ce qui se faisait sur la PlayStation 1. Mais pareil, on retrouvait la jouabilité voilà, d'un FIFA basique et toujours cette sensation de marcher avec le ballon, de traverser les joueurs, de pas C'est ça. dribbler. On avait toujours cette intention de faire un bon match en mettant une tactique en place, mais on se rendait vite compte que ça servait à rien et que finalement le jeu était tellement buggé dans tous les sens et Mais c'était... tu vois, c'est pareil, moi ce jeu-là, j'en ai pas profité, ça me fait penser un petit peu à FIFA 96, et je l'ai eu tard, ce jeu. Bon, encore sur PC, parce qu'à l'époque j'avais que le PC là, en 99. C'est vrai que sur PC, il était très beau. Il y avait juste un souci de son où t'avais l'impression, enfin, le son des commentateurs, donc de Gilardi et puis de Ginola, qui était, Ouais. bah, je sais pas, si t'avais l'impression qu'il y avait une distorsion, bah, je sais pas comment expliquer cette gêne qu'il y avait, mais t'avais l'impression que leur micro était très mauvais, quoi, en fait, t'les écoutais pas forcément très bien, en fait, les commentateurs. Alors je sais pas si ça venait de mon PC, mais sur PlayStation j'ai pas remarqué ça. Mais sur PC il y avait un souci avec le son des commentaires, en fait. Est-ce que les CD-ROM à l'époque c'était 700 mégas? 700, ouais. 650, 700. Il fallait vraiment réduire pour que ça rentre. En plus, je crois que voilà, sur les cartouches N64, c'était encore plus compliqué à mon avis. Oh bah oui. voilà. Et c'est la dernière collaboration entre David Ginola et Gilardi, d'ailleurs, en tant que Ouais. commentateur pour FIFA 99. Ah, d'accord. Mais je pense que Ginola en avait peut-être marre de se faire vanner, peut-être. Peut-être. Et là, je vois également que c'est le premier FIFA où la notion des tailles pour les joueurs apparaît. C'est-à-dire que pour la première fois, on aura un Roberto Carlos qui fera 1m65 et quelques. Et Ah bah tu m'étonnes, ça m'a marqué ça. t'auras un Guy Vark qui aura sa vraie taille, quoi. Ce que FIFA 99 fait là au niveau des tailles, ISS il le faisait depuis longtemps. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait sur les ISS, ouais. Alors Un an peut-être. auparavant, je crois que c'était ISS 98 où t'avais vraiment le, tu Ouais. voyais vraiment qu'il y avait les tailles qui étaient différentes. Après, dans les anciens, Ouais, bien non, tu sûr. faisais pas attention. Ouais, après, bien sûr, les versions Super NES, c'est différent. Mais c'est évident qu'on était déjà en train de modifier l'apparence des joueurs au niveau des tailles et des noms, des tailles, etc. C'est ça. Des capacités, et puis on pouvait modifier tout ça, alors que bon, sur FIFA, ça c'était assez limité avant cette version-là, 99. Là, c'est vrai que le mode édition là était énorme. Je me souviens avoir acheté à l'époque les magazines France Football du début de saison pour tous les championnats européens et justement refaire les joueurs qui n'existaient pas ou Ouais, refaire les compléter. joueurs et refaire les maillots aussi. Ah oui, les maillots, Parce oh que là là. donc il n'y avait pas du tout de licence niveau maillot, donc en fait même il n'y avait même pas la licence au niveau des logos, donc c'était juste des drapeaux qui remplaçaient C'est vrai. les logos et les maillots. Les maillots fallait et en plus ça ressemblait pas du tout ce que faisait ISS à l'époque. Enfin là, quand t'avais le début des clubs, ils arrivaient quand même à faire un semblant de maillot. Ça ressemblait un petit peu à celui qu'il y avait de la saison. Par contre, FIFA, c'était complètement, enfin, ça avait rien à voir avec le maillot, quoi, en fait. Donc, moi, j'aimais bien quand même refaire correctement les maillots, essayer de faire un semblant, une similitude, qui est une similitude avec le vrai maillot. D'ailleurs, ce que j'avais oublié de parler pour FIFA 98, c'est à partir de ce FIFA-là que j'ai commencé à faire des gros patchs, des patchs complets. J'avais refait toute une deuxième division en fait Ah oui. dans FIFA 98 et FIFA 99. Bon, moins ce que je te dis, je l'ai pas eu longtemps, vraiment très longtemps, mais j'avais quand même essayé de refaire des maillots qui ressemblaient un petit peu à ce qu'il y avait au championnat en vrai, quoi. Ah bien sûr. Et ce qui est marrant aussi, c'est pour l'anecdote, c'est que en France, t'avais Fabien Barthez en couverture, super gardien champion du monde, etc., qui est à la célébration, je crois qu'il a contre l'Italie là quand il se qualifie au Oui, c'est ça, penalty. ouais, ce tir au but, ouais. Et par contre, pour les autres pays, alors choix très étonnant en Allemagne, est-ce que tu sais qui était en Ouais, couverture? Mehmet Scholl. Olaf Thon, il y a marqué. Alors Ah, pardon. Ah non, alors Mehmet Scholl, c'est peut-être pour est-ce FIFA 2000, ouais. Olaf Thon, ah ouais, c'est quand même mais. un choix étonnant, hein. Quand tu Ouais. sais que t'as Matthäus, t'as des Ah, joueurs c'est ça, comme t'as Birov. Klinsmann, ouais, Birov, hein, c'est pas le joueur, Ton, c'est pas le joueur de la hype du moment, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, Hein. peut-être après que ça peut être aussi une erreur Ou alors ça veut dire, ouais, mais historique. Schalke, qu'ils n'ont pas été champions en 98, des fois, t'es, parce qu'ils peuvent mettre le champion actuel, je sais pas. Alors sincèrement, bah c'est pas les vainqueurs de la Coupe UEFA, peut-être Ouais, c'est en 97, par contre. 97, ouais, bah Ouais. tu sais, ils peuvent peut-être Ouais. qu'ils sont en retard, les électroniques, Ça, c'est s'ils certain. ont Par cherché un contre, Allemand gratuit, voilà. ouais, par contre, tu trouvais en France beaucoup là, avec Fabien Barthez, mais tu trouvais aussi beaucoup avec Denis Bergkamp. Moi, d'ailleurs, Oui. j'ai une version avec Denis Bergkamp, là, tu vois. Ah, de Avec le maillot 99? d'Arsenal, avec le maillot d'Arsenal en fait. C'est la version sortie en Angleterre alors ou aux La version Pays-Bas? World, en fait, c'est une World. version, Ah ouais, en oui. fait, pour ceux qui n'ont pas eu leur, le pays qui a pas eu d'édition spéciale, ils avaient Denis Bergkamp. Et moi, je l'ai avec Denis Bergkamp et j'ai trouvé en France, donc D'accord. ils se vendaient avec la version Fabien Barthez ou la version Denis Bergkamp. Bah pas mal, pas mal, pas mal. Et en Italie, t'avais Christian Vieri. Au Ouais, bon. Japon, t'avais Nakata. Et Morientes en Espagne. C'est pas mal. Et Rui Costa au Portugal. Pas mal aussi, ouais. Et des bons choix pour la promotion du jeu, Bien quoi, sûr. voilà. Comment? Oui, je dis bien sûr, mais c'est Ouais. sûr. Ouais. Et puis, FIFA 2000. Tournant. FIFA Tournant 2000 qui pour moi. arrive après. C'est un jeu, on va dire, où ils changent encore quelques aspects graphiques et ils refont aussi le gameplay. Je me souviens de ça. C'était surtout, moi je parle surtout de la version PS1. C'était qu'ils étaient partis dans un trip un peu plus basé sur la simulation. C'est-à-dire que les joueurs allaient beaucoup moins vite, étaient plus petits sur le terrain, les caméras plus éloignées. Le jeu était ralenti justement pour gagner en aspect simulation, mais c'était trompeur parce que finalement, tu retrouvais certains bugs qui existaient déjà dans les versions d'avant. Et Le bug du corner. ouais, les Je sais pas si tu corners. connais, Vas-y, parce que raconte-toi. en fait, tu avais une façon, une méthode pour marquer des corners directs, en fait. Ouais. Il suffisait de mettre, en fait, donc tu avais la possibilité de tirer tes corners avec cette fameuse flèche, mais t'étais pas forcé d'utiliser la flèche. Tu avais aussi le carré, la croix et le triangle Ouais. qui désignait en fait des joueurs. Et généralement, tu avais toujours un joueur qui se mettait au premier poteau. Donc, t'envoyais le joueur au premier poteau et donc ton mec il tirait. Et des fois, il tirait un peu trop fort et le gardien il mettait le but contre son camp en fait. Mais en fait, ça mettait presque un but à chaque fois sur corner, quoi. C'était une Ouais. tactique, mais c'était un Ouais, peu c'était chiant. pour gagner quand tu perdais, Bah, quoi, facilement, juste comme voilà, c'est ça, ça, voilà. exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'en parlant de difficulté, je me souviens que le 99 était très difficile par rapport au 98. C'est-à-dire que l'ordinateur, il pouvait te punir à la moindre faute défensive. Il prenait la balle en défense, il fonçait sur toi. c'était un peu déroutant. Je me souviens avoir essayé de faire plusieurs Coupes d'Europe et de perdre à chaque fois en phase de groupe ou dès les huitièmes de finale. Ouais. C'était hyper dur à cause de certains points comme les tirs à ratère tout droit, le gardien plongeait mais il regardait la balle. Il y avait ce bug aussi où le gardien plongeait les deux mains en avant, tu te souviens de ça? Oui. Et en fait, la balle arrivait face à lui, mais lui, il plongeait les deux mains en avant, et la balle passait à côté de lui, ou il la relâchait. Enfin, il y avait des trucs... le gardien était vraiment pas... c'était un gardien de futsal, t'avais l'impression. C'est ça. Parce qu'il avait pas le droit d'utiliser les mains. Je sais pas. Il y avait toujours ces bandes sonores aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des bandes sonores depuis 98 avec le... Chopawamba. Ouais, voilà. Et tous les ans, Electronic Arts aussi base leur jeu vidéo sur une intro spectaculaire avec un chanteur connu. Et là, c'est Robbie Williams. C'est Robbie Williams, ouais. C'est vrai que cette chanson, bah, je m'en souviens de toute façon. Voilà, mais ça marque, tu vois, ça marque vraiment parce qu'il y avait pas beaucoup de chansons. Mais là, c'était que Robbie Williams qui avait fait, il avait fait 2-3 chansons dessus. Puis après, c'était des chansons génériques. Mais c'était pas mal, franchement. Moi, FIFA 2000, je l'ai aimé parce qu'en plus, donc je l'avais sur PC et la carte graphique là, elle marchait vraiment bien. Ouais. T'avais dans la version PC, t'avais une bouteille d'eau qui était dans le but du gardien en fait. D'accord. Et à force d'y jouer, le but à chaque fois, c'était de dégommer cette bouteille d'eau parce que dès que le ballon y passait dessus, ça dégommait la bouteille d'eau en fait. Ouais. Et c'était un challenge que tu te donnais. Que tu te donnais à chaque fois, et puis t'avais des équipes classiques dedans aussi. T'avais le Reims des années 50, t'avais le Brésil des années 70. Et si tu faisais un match entre le Brésil des années 70 et puis une autre équipe nationale ou un club des années 70, tu jouais avec le ballon, le vieux ballon, tu sais, avec les ballons blancs, avec les panneaux, certains panneaux noirs, quoi, tu sais, avec le vieux ballon des années 70. Et puis t'avais aussi le rendu qui faisait années 70 aussi. Oui, je me souviens. Le rendu graphique, quoi. C'était pas mal, hein. Franchement, c'était bien, bien pensé. Ça jouait dans un vieux stade. Tu pouvais débloquer, c'était le stade de Fulham ou de Craven Cottage. Ouais, voilà, un vieux stade anglais, ouais, voilà. Ouais. Et là, t'avais la collaboration française entre Thierry Gilardi et puis, t'avais, comment il s'appelle, Et tu pouvais pas rejouer des anciens matchs aussi, je crois. Les anciens matchs, c'était dans Coupe du Monde 98, que tu pouvais rejouer toutes les finales, en fait. Tu pouvais rejouer les finales de toutes les Coupes du Monde de 1930 à 94, en fait. Mais avec les joueurs de l'époque ou actuels? Oui, avec les joueurs de l'époque, ouais. Ah, d'accord. Et tu jouais en 1930 en noir et blanc. D'accord. Non, c'était franchement, là, ils avaient eu une bonne idée. Ils ont voulu refaire à peu près pareil pour FIFA 98. Donc, t'avais la France de 58, t'avais le Brésil de 58, tu pouvais rejouer le match et c'était en noir et blanc aussi. D'accord. C'est vrai que ça m'est revenu, ouais, cette histoire. Ouais, et donc, t'avais Laurent Paganelli qui remplace David Ginola. Et il y a un truc qui était bien, c'est que tu pouvais, donc, dans le mode championnat, bah, plus t'avançais plus dans le championnat, et plus bah Laurent Paganelli disait I know Pishku mate 20 boga io dove 20 boga that's very bad oh, l'insulte. thank you very much. Pas si t'avais pris Paris, Paris est en train de faire une superbe saison, il lui manque plus que 4 matchs pour être champion, tu vois, c'est en temps réel, quoi, en fait. Et non, franchement, c'était bien parce que ça, c'était vivant, quoi, en fait. Est-ce qu'il te sortait ces phrases toujours, je te remercie à toi, grande rogador, thank you. Non, mais c'était, ouais, il était sérieux dans le truc, mais je trouve que ça rajoutait encore un peu, c'était prenant, quoi, parce que tu faisais une saison et il te parlait de ta saison. Si t'étais pas bon, bah, il disait que l'équipe est pas assez forte pour rivaliser avec les plus forts. Tu vois, t'avais des phrases comme ça. Non, c'était pas mal, je trouve. Moi, j'ai bien aimé ce FIFA 2000. Et y a un truc qui démarque aussi FIFA 2000, c'est que t'as la Major League Soccer, donc qui a son vrai nom. T'avais quelques équipes qui avaient vraiment leur vrai maillot.